bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Merci à toutes les personnes présentes de leur participation à cette émission, associativement vôtre, dont le thème ce soir sera l'autonomie tant alimentaire qu'énergétique. Je vais le dire à la Vosgienne, c'est quoi de ça? Est-ce que c'est être dans sa grotte et manger quelques salades et deux pommes de terre glanées au jardin et s'éclairer à la bougie? On va voir ce soir, avec les explications qui vont nous être faites, ce en quoi ça consiste de vivre une autonomie qui sera plus collective que personnelle. C'est donc sur ce sujet que nous allons porter notre réflexion. Tout d'abord, pour la partie musicale, nous avons le plaisir d'accueillir le chanteur, rappeur, slammeur et pianiste Alban Toussaint, puis notre troubadour favori Olivier Dicari. Nous recevons également Catherine Gerberon avec Nature en cuisine et Abeille Lorraine de Happy Cool, et puis Pascal Corradini pour Épinal en transition avec le concours de Pierre Feutet de VAN qui nous présenteront aussi l'autonomie énergétique. Pascal nous présentera aussi l'aventure de la Bojotte ou comment construire des réseaux locaux avec Catherine qui nous présentera, elle, l'autonomie alimentaire. Nous aurons aussi des textes de Françoise ainsi que la chronique de Filmo. Nous terminerons par notre incontournable tour de table. Donc nous vous souhaitons une bonne soirée en notre compagnie. Voilà, nous avons donc le plaisir d'accueillir Alban, qui va se présenter. Auteur, compositeur, interprète, slammer, rappeur, et voilà, même chanteur un peu. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit, même deux petits slams. Le premier texte, c'est un texte assez personnel. Et le deuxième texte, c'est un texte un peu plus engagé, ça parle de, des violences faites aux femmes. Et donc voilà. Merci Alban. Hanté par la rancœur, c'est à la mesure de l'amour que je t'ai porté. Mon corps a cessé de respirer quand la porte de ton esprit à mon âme s'est fermée. Si je n'ai pas pleuré, ce que je t'ai déjà desséché, d'avoir tout donné à ton ego surdimensionné. Peut-être un dieu par sa bonté m'a offert cette rupture pour m'éloigner dans ma vie déchirée du diable que tu étais. J'ai tapé des murs, puis retapé ma vie. J'ai ouvert les portes de ta prison, tu m'as offert un sourcil. J'ai compris que je ne serai plus un pantin. Allez, les aléas de cette vie avec toi n'iront pas plus loin, jamais plus loin. Détruire mes envies, tu es parvenu. Tu as quitté mon monde rendu immonde, tu n'es parvenu. Mais c'est une chance, je t'en voudrais plus jamais, car au final je resterai le fautif, c'est moi qui aurais dû te quitter. Ça fait sentiment. Pas de sentiment, pas de sentiment, pas de sentiment, pas de sentiment, pas de sentiment, pas de sentiment, pas de sentiment, pas de sentiment. Je n'ai plus de sentiment pour mes amants perdus, ma haine perdure, c'est ton perdu, se dire je t'aime, puis se laisser, rien qui perdure. Toutes mes aventures avant toi m'étaient dérisoires. Tu m'as quitté, tu t'es toi-même classé dans cette poubelle bizarre des filles passionnées. Emprisonnées dans mes bras, puis relaxées, ces ex compris comme prétexte de m'avoir eu dans leur filet pour me quitter, puis ne jamais me reparler. Excuse-moi, attaché, je ne suis pas et ne serai jamais ce qui me fait mal. Ce qui me manque, ce n'est pas ton trouble, c'est ce sentiment de perdre une amie qui, hélas, me rend pâle. Rien ne se remplace, je n'ai plus de sentiment pour toi, mais tu restes comme un Everest d'amitié qui me tourne le dos. Si tu me laisses, qu'est-ce que t'espérais à ne plus me parler? On est deux à être sensibles, ça tu n'avais pas parié. T'espérais quoi m'ignorer? Peut-être pour toi rester sous une sensible est bien plus beau que de résoudre. Maintenant il faut avancer. Sentiment, pas sentiment, pas sentiment, pas sentiment, sentiment, pas sentiment, pas sentiment, pas sentiment, pas sentiment, pas sentiment. Voilà. Sentiment, pas sentiment, pas sentiment, pas sentiment. jamais, claque des portes, s'emporte, écoute ta meilleure pote, porte ta parole autour de toi et dis stop. Alors oui, c'est dur, alors oui, ta vie tu l'endures, mais dis-toi que parler c'est ce qui te permettra d'avancer. Et confiance, tes mots sont censés se communiquer sur ce qui te nique ton présent. Tu peux risquer de t'enfoncer, défoncer à la colle, ton mec plus là bien quand il colle. Seul, c'est bien difficile de t'évader, merde. Les cocards, c'est pas normal, c'est pas une situation de pépère, personne ne peut dire qu'il n'y a rien de mal. Écoute-toi, quelle émotion tu ressens dans ton corps, comment tu te sens maintenant quand on épice le sang. Y'a des gens qui ne demandent qu'à t'entendre. N'attends pas isolé chez toi que tu te pendes. Bah toi ta vie sera belle quand tu essaieras de la comprendre. Que ton histoire ne te soit pas fatale. Lève-toi et parle, si ton mec se meurt en animal. Lève-toi et parle, ta vie mérite qu'on s'y attarde. Lève-toi et parle, elle sera belle qui peut avoir le droit de te faire du mal. Que ton histoire ne te soit pas fatale. Lève-toi et parle, si ton mec se meurt en animal. Lève-toi et parle, ta vie mérite qu'on s'y attarde. Lève-toi et parle, elle sera belle qui peut avoir le droit de te faire du mal. Combien de femmes battues, ils vont des moments ardus. Combien de féminicides, j'ai des femmes même solides. Combien d'associations qui attendent du pognon. Ils attendent pas l'état pour s'occuper de meufs dans un mauvais état. Dans chaque cas, il y a des similitudes, mais chacune leur histoire, chacune ont plus ou moins de thunes dans leur vie rude. Les gosses manquent d'éducation, qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école? Rester les femmes, ça doit prendre sa vraie place dans les programmes. Merde, les cocards, c'est pas normal, c'est pas une situation de pépère, personne ne peut dire qu'il n'y a rien de mal. Écoute-toi, quelle émotion tu ressens, dans ton corps, comment tu te sens maintenant quand on épice le sang. Il y a des gens qui ne demandent qu'à t'entendre, n'attends pas isolé chez toi que tu te pendes. Bah toi ta vie sera belle quand tu essaieras de la comprendre. Que ton histoire ne te soit pas fatale. Lève-toi et parle, c'est ton mec se meurt en animal. Lève-toi et parle, ta vie mérite qu'on s'y attarde. Lève-toi et parle, elle sera belle qui peut avoir le droit de te faire du mal. Que ton histoire ne te soit pas fatale. Lève-toi et parle, c'est ton mec se meurt en animal. Lève-toi et parle, ta vie mérite qu'on s'y attarde. Lève-toi et parle, elle sera belle qui peut avoir le droit de te faire du mal. Que ton histoire ne te soit pas fatale. Lève-toi et parle, c'est ton mec se meurt en animal. Lève-toi et parle, ta vie mérite qu'on s'y attarde. Lève-toi et parle, elle sera belle qui peut avoir le droit de te faire du mal. Que ton histoire ne te soit pas fatale. Lève-toi et parle, c'est ton mec se meurt en animal. Lève-toi et parle, ta vie mérite qu'on s'y attarde. Lève-toi et parle, elle sera belle qui peut avoir le droit de te faire du mal. Que ton histoire ne te soit pas fatale. Lève-toi et parle, c'est ton mec se meurt en animal. Lève-toi et parle, ta vie mérite qu'on s'y attarde. Lève-toi et parle, elle sera belle qui peut avoir le droit de te faire du mal. Merci même Alban. Voilà, merci Alban. Et puis, on doit quand même dire que tu vends des CD. Alors, je vends des CD. Vous donnez peut-être mon mail, par exemple. Voilà, par si exemple. Si vous avez envie de vous le procurer, bah oui, vous pouvez m'envoyer un mail. Il faudra voir. Ton mail, c'est quoi? Parce que là, Alban, on va être concret. Alors, Alban, oui. Comme Alban. Alban. Point Toussaint. Oui, comme Toussaint. @hotmail.fr. D'accord. Voilà. Et ces CD sont vendus. Alors, c'est 10 euros et les 10 euros vont à la Fondation Abbé Pierre. Voilà. Donc voilà, donc en même temps, vous avez un CD à écouter, on va dire de 15 titres d'un artiste. Et puis en même temps, ça fait une bonne action. Enfin, en tout cas, ça permet à la Fondation Abbé Pierre de financer certaines actions. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Alban. Maintenant, on va passer à Pascal Corradini et Pierre Feutet qui vont nous parler. Oui, Pierre Feutet étant l'assistant de Pascal. Voilà. Et donc, on va parler sur ce sujet de l'autonomie énergétique. Pour rentrer dans le vif du sujet, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle beaucoup et c'est un petit peu, je dirais, effrayant, mais on n'est pas en train de dire qu'on va vivre à la bougie. Mais on est peut-être en train de dire qu'on va retrouver une autonomie collective en prenant conscience et avec certaines prises de conscience de pouvoir peut-être agir différemment. Pascal. On n'est pas en train de dire qu'on va devoir vivre à la bougie, effectivement. Puis on n'est pas en train de dire non plus qu'on va être obligé ou qu'il serait souhaitable de vivre en autosuffisance. C'est important de définir la différence entre l'autosuffisance et l'autonomie. L'autosuffisance, c'est vraiment un petit peu être refermé sur soi, que ce soit à titre individuel ou collectif. L'autarcie, une forme d'autarcie. Voilà. Donc, alors que l'autonomie, il est souhaitable de la voir ouverte, c'est-à-dire avec des connexions, avec des réseaux, avec des collectifs. Oui. Et donc, dans cet état d'esprit, en vivant, je dirais, différemment les prises de conscience, on pourrait déjà démarrer par qu'est-ce qui est le plus important de prendre conscience ? Ben, en fait, il y a déjà une grosse problématique dans notre, dans nos sociétés occidentales, c'est les énergies fossiles. On en parlera de l'électricité, bien entendu, mais il faut quand même bien regarder la problématique des énergies fossiles. Donc, en fait, par exemple, hein, pour le transport, domaine sur lequel on n'a pas beaucoup de prise, puisque quelque part, ben, en tout cas, en l'état actuel des choses, les transports, c'est 99% de pétrole. Voilà. Donc, avec une répartition à peu près moitié pour les automobiles et les transports routiers. Donc, on fait quoi ? Et sachant que le transport représente à peu près 30% de toute l'énergie que l'on consomme. Hein, voilà, c'est 30% de toute l'énergie. C'est important de replacer chaque secteur dans la globalité de ce qu'on consomme, quoi. Ce qui veut dire qu'on doit changer de comportement collectivement par rapport à ça. Tout à fait. Bah oui, en fait, il y a un élément auquel on peut penser assez rapidement, c'est déjà mutualiser. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se déplace, se dire, bah, au moins, comme on n'a pas le choix de changer d'énergie, de type d'énergie, regroupons-nous, covoiturons. Hein. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en général dans nos associations de transition, on va dire, mais pas que. Hein. Le covoiturage, d'un point de vue général, c'est quand même bien développé dans nos sociétés. Hein. Oui, et puis là, je passerai la parole quand même à Pierre un moment, parce qu'on parle beaucoup de voitures électriques actuellement, seulement il y a quelque chose à prendre en compte par rapport à ces centrales nucléaires qui ont un besoin d'eau phénoménal pour fonctionner. Donc, ce n'est pas en soi une réelle solution en autonomie, on va dire. Alors, effectivement, les centrales nucléaires actuellement fournissent de l'électricité pour nos besoins quotidiens. Ça va même un peu plus, par exemple, avec la climatisation ou des choses dont on n'aurait pas forcément besoin. Mais alors le fait de demander à tout le monde d'avoir une voiture électrique, ça a sans doute posé quelques problèmes, puisque le parc nucléaire français actuellement n'a que la moitié de sa capacité à cause de pannes diverses et de rechargement et d'entretien. Et là, on va vers une course vers la consommation électrique qui va augmenter de manière phénoménale si tout le monde doit recharger des batteries tous les jours pour faire 50 km ou 100 km. Il faudra installer des bornes partout, il y aura des queues épouvantables aux recharges. Et puis surtout, la question que je me pose, c'est comment on va produire cette électricité, puisque là on est déjà quasiment en flux tendu, puisque les centrales... Il y en a de moins en moins qui marchent. Et tous les ans, elles vieillissent un petit peu plus. Et en ce moment, on en importe. Oui, parce qu'effectivement, la chaleur fait qu'on ne peut pas mettre à pleine puissance une centrale nucléaire qui utilise un cours d'eau, puisque la centrale va réchauffer l'eau de la rivière. Et elle n'a pas le droit de dépasser une certaine température pour conserver le biotope de la rivière. Justement. D'accord. Alors là, on va rebondir avec Pascal sur la consommation d'électricité. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le côté... Parce qu'en fait, on parle d'autonomie, mais on parle d'autonomie collective, mais on parle surtout de revenir peut-être à d'autres manières de fonctionner qui pourraient ressembler à plus de sobriété, en tout cas de prise de conscience de l'utile et de l'inutile. Alors, quand on parle de la maison, dans tout ce qui est électrique, qu'est-ce qu'on en pense là ? Alors, il y a beaucoup de choses à regarder dans la maison, mais il est important aussi, pareil, moi, il me semble important de se remettre dans un contexte, c'est-à-dire que les habitations résidentielles, donc représentent la consommation électrique des habitations résidentielles, représente une certaine part de toute l'électricité. C'est important de le savoir quand même pour voir quel levier on a. Si on diminue nos consommations, ce que ça va représenter au niveau global. Et en fait, il se trouve que c'est vraiment loin d'être négligeable, puisque les habitations résidentielles consomment 37% de toute l'électricité de notre pays en France. Hein, donc du coup, c'est pas, on peut vraiment agir. Hein. Alors pour un foyer de 4 personnes, il consomme, alors c'est des kilowattheures, je ne vais pas expliquer ce que c'est que le kilowattheure, etc., mais 4000 kilowattheures. 4000 kilowattheures pour une famille moyenne. Sachant qu'on peut facilement réduire, diviser par deux cette consommation. Si vraiment on s'y mettait au niveau individuel et collectif, on pourrait très facilement diviser par deux, puis si on va un peu plus loin, facilement par trois. Donc, et comment faire pour, voilà, justement, les petits gestes au quotidien. Les petits gestes, ça représente quoi? Alors, c'est pas vraiment des petits gestes, c'est des transformations quand même. Parce que, par exemple, si vous regardez le lave-linge et le lave-vaisselle, l'eau, elle est chauffée dans ces appareils. Et donc, on utilise l'électricité pour chauffer l'eau. Et c'est ça qui représente le plus d'énergie consommée par le lave-vaisselle, c'est-à-dire 80% à peu près, le lave-vaisselle ou le lave-linge. Donc, vous imaginez. Donc, ça veut dire que techniquement, il faut faire rentrer de l'eau déjà chaude, enfin, en douce, à minima douce, dans l'appareil. D'accord. Et alors, pour avoir de l'eau douce, et puis pour être ce qu'on appelle en autonomie, on va dire, collective, parce qu'il va falloir qu'on réduise tous, l'eau chaude, quelque chose de très important et très relativement simple actuellement, c'est le chauffe-eau thermique, solaire thermique. Oui. Donc, en fait, le soleil peut nous apporter à peu près la moitié de notre eau chaude sanitaire. Même dans notre région, ici dans l'Est. Hein. Donc du coup, ça veut dire que la moitié de l'eau chaude qui rentre dans notre lave-linge ou lave-vaisselle et qui permet d'économiser 80% d'électricité, elle peut être solaire. Quoi. Hein. Mm. Donc voilà, c'est important. Sachant que il faut regarder aussi la part, toujours pareil, il faut regarder la part du lave-linge et du lave-vaisselle dans tout ce qu'on consomme en électricité. Donc, c'est à peu près 30%. Donc, vous voyez que c'est loin d'être négligeable. Hein. Donc, on a vraiment un levier significatif, mais il y a une petite transformation technique à faire. C'est-à-dire il faut un mitigeur ou un système électrique adapté, complémentaire quelquefois, voilà, pour associer aux appareils. Et puis, tu m'expliquais cet après-midi par rapport à la cuisine, par exemple, justement, on ne prend pas conscience qu'un mini-four, ça m'a un peu interpellé, un mini-four consomme énormément d'électricité, or que limite, même au gaz, ça nous dépenserait moins d'énergie, et puis au bois, ce serait magnifique, quoi. Complètement. Le bois, déjà, c'est renouvelable, mais après, c'est moins facile, c'est beaucoup plus facile en hiver, quand on a une cuisinière à bois. Après, l'été, on a le four solaire, mais il faut quand même qu'il soit prêt à être mis en position pour pouvoir vraiment l'utiliser. Mais c'est valable aussi. Hein. Après, il y a la gazinière. Hein. Effectivement, le gaz pour la cuisson. Hein. Effectivement, c'est moins impactant que l'électricité. Parce qu'il faut savoir que l'électricité, par exemple, 1 kWh qui nous arrive, c'est 4 kWh de chaleur. Avec le nucléaire ou avec d'autres moyens de production d'énergie électrique par des centrales thermiques. Donc, si vous voulez, on y gagne largement en utilisant du gaz plutôt qu'en utilisant l'électricité pour cuire quelque chose, pour chauffer quelque chose. Du coup, l'électricité est une énergie noble que on ne devrait utiliser que pour nos appareils électroniques et l'éclairage. Dans l'absolu, il faudrait n'utiliser l'électricité que pour ça. En tout cas, il faudrait que nos sociétés soient organisées pour utiliser l'électricité essentiellement de cette façon-là. Puis aussi pour nos ordinateurs, voilà. Parce que par rapport à ça, il y a aussi par rapport à ça, je ne sais pas, Pierre, il me semble que tu es bien équipé chez toi, en tout cas tu es bien penché sur ces sujets, par rapport à tout ce qui est isolation, par rapport à tout ce qui est attention justement à ne pas dépenser trop d'énergie et à être le plus, on va dire, économe. Parce qu'en fait, l'autonomie, c'est avant tout de l'économie d'énergie. Oui, ce que disait Pascal, ça fonctionne bien. Moi, mon lave-vaisselle est branché directement sur le chauffe-eau thermique solaire. Donc, effectivement, 50% de l'année, c'est de l'eau chaude solaire. Après, oui, il faut bien isoler son appartement pour pas avoir des déperditions thermiques. Et puis, en plus, si on peut avoir des panneaux photovoltaïques pour produire l'électricité. Alors, on n'est pas du tout autonome, hein, parce qu'on dépend toujours d'un système qui est extérieur. Hein, Mais dans ce sens-là, est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, dans l'autonomie régionale ou locale, d'un projet comme, par exemple, la SCIC, la SIC à Bain-les-Bains? C'est intéressant, ça. Ah oui, donc la SCIC Bain d'énergie à Bain-les-Bains, donc c'est un projet qui a commencé il y a quelques années déjà, autour d'un ancien terrain industriel, donc entre le centre de Bain-les-Bains et le moulin au bois, sur à peu près 3 km. Donc on a un canal du bagne, enfin on a le Bagnereau, le ruisseau, plus un canal d'amener jusqu'en bas. Et donc il y a un projet hydroélectrique sur ce terrain grâce à la SCIC. Qui permettra de produire de l'électricité localement avec une énergie complètement renouvelable tant qu'il y a de l'eau qui coule. Et localement, ça peut alimenter 1000 foyers. Hein, voilà, si en gros, oui, si, oui, c'est ça. L'hydroélectrique plus le photovoltaïque, puisqu'on a déjà équipé l'ancienne tréfilerie de Bain-les-Bains avec du photovoltaïque. Donc globalement, oui, ça pourra alimenter environ 1000 foyers. Oui. Et par rapport autrement aux autres comportements dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'économie, en fait? Parce que j'arrêterai de parler d'autonomie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va être dans des situations où on devra consommer moins, mais apprendre à consommer moins, parce qu'il y a des façons de faire. Déjà pour effectivement le chauffage de l'eau chaude sanitaire, hein, dont on vient d'en parler. Après tout ce qui est cuisson, donc également se passer des plaques de cuisson électriques ou à induction, hein, alors que en fait c'est souvent l'inverse qu'on observe. Hein, les gens font l'acquisition de plaques à induction et autres. Après, il y a l'éclairage. Donc l'éclairage, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la majorité des personnes sont passées au LED. Hein, donc ils consomment 20 fois moins d'énergie pour le même usage, donc pour le même éclairement. Hein. Donc après, il y a les ordinateurs. Donc voir effectivement le temps pendant lequel durant lequel notre ordinateur est allumé, hein, tout simplement. Donc faire attention à ces choses-là. Il faut revoir tous nos usages, tout ce qu'on utilise au quotidien. Il faut regarder si on peut diminuer le temps d'utilisation, et puis arrêter les appareils plutôt que de les laisser en veille. Donc chaque fois qu'on peut mettre par exemple la box, vous la mettez sur une multiprise, ainsi que tous les appareils que vous pouvez mettre sur multiprise et qui ont une veille. Après, vous avez des appareils dont vous ne pouvez pas supprimer la veille. Hein, c'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez une porte de garage qui s'ouvre électriquement. La veille, vous pouvez pas. C'est compliqué de l'enlever. Ainsi que sur la chaudière, par exemple. Voilà. Mais se poser la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Oui, parce c'est ça. Qu'à un moment donné, ça va être la vraie question. Complètement. On va utiliser que ce dont on a vraiment besoin, et non plus tellement ce qu'on nous fait miroiter, que ce soit dans la domotique, moi j'ai entendu à Bain-les-Bains quelqu'un dans un garage, une dame qui dit je mets en route mon pot-au-feu. Je suis restée assez surprise. Donc elle avait tout qui était vraiment à distance, programmé, comme ça. Programmé, ce qui veut dire que ça doit consommer, son installation doit consommer quelque chose d'assez phénoménal, quoi. Ça dépend, non. Si elle a un programmateur, si tu veux, ça va consommer. C'est quand même un appareil qui est en fonction toute la journée. Si on ajoute 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Mais là, il faut se méfier des représentations. Il faut aller mesurer. Et donc, l'éveil, ça représente à peu près 10% en moyenne de la consommation. C'est pas négligeable quand même. Oui, c'est vrai. Mais si on parle de la veille d'un appareil comme ça, puis qu'on a besoin qu'il soit programmé pour cuire, etc. On se dit ça fait 1%. Enfin, je sais pas, ça fait pas. Tout dépend le nombre de jours qu'on l'utilise de cette façon-là. Faut tout regarder en fait. Hein. Après, il y a le problème du froid, du congélateur. Et le froid, c'est à peu près 30% des consommations électriques. Donc là, il faut réduire le volume de son congélateur, le volume de son réfrigérateur à minima. Ou le mutualiser. Ou le mutualiser, tout à fait. En tout cas, nous, ouais. Dans notre quartier, on parle de mutualiser des choses comme ça. Mais bien sûr. Voilà. Ouais. Ben, un congélateur peut servir à trois foyers. Bien sûr. Ce qui fait que ça diminue par trois. Complètement. Ouais. Carrément. Je pense qu'en mutualisant, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup d'économies. Ouais. Puis on peut aussi regarder comment remplacer la congélation. Hein, oui. Pour justement diminuer les volumes de nos congélateurs. Donc la mutualisation, de toute façon, c'est le maître mot. Hein. Oui. Voilà. Du coup, ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous met en lien. La mutualisation, ça oblige à nous remettre en lien, hein, si je puis dire. Mm. Donc voilà, c'est un double intérêt. Hein, en quelque sorte. Merci beaucoup. Pierre, tu aurais quelque chose à rajouter ? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Bon, ben, on vous remercie beaucoup. Ah, voilà, Olivier, notre troubadour. Vas-y. En tout point de l'univers, en été comme en hiver, c'est une course incessante comme une danse innocente. Par milliers et par millions, en un immense tourbillon, tourne, tourne, tourne boule, minuscule petite boule. C'est la ronde des ballons, ballons ronds. Tourne, tourne, tous en rond, ainsi font. Dans un coin de l'univers, un jour s'est mise à l'envers. Tourne, tourne à contresens, elle est sortie de la danse. Une boule rébellion de mémoire de tourbillon. Jamais on n'avait vu ça. Une boule à contrepas, c'est la ronde des ballons, ballons ronds, tourne, tourne, tous en rond, ainsi font. Boule qui tourne à l'envers, petit ballon bleu et vert, n'entends-tu pas la défense, pleurerons-nous ton absence? Par milliers et par millions, entends les autres ballons qui te conjurent, petite boule, de revenir dans le pas. C'est la ronde des ballons, ballons ronds, tourne, tourne, tous en rond, ainsi font. En tout point de l'univers, en été comme en hiver, c'est une course incessante comme une danse innocente. Tourne, tourne, tourne boule, minuscule petite boule. Par milliers et par millions, en un joyeux tourbillon. Bravo. Merci. Merci Olivier. Merci. Nous allons appeler Catherine, une autre Catherine, Catherine Gerberon. Qui va nous parler de Abeilles de Lorraine, Apicoule, et de Nature en cuisine. Nature en cuisine, voilà. Et qui sera accompagnée de Pascal, qui prendra ensuite la parole pour nous présenter la bojotte. Oui, oui. Alors, Catherine, ces fameuses Abeilles de Lorraine, Abeilles Lorraine, c'est une association. Le collectif Abeilles Lorraine, exactement, d'accord. Et donc, ce collectif a été créé parce que, à l'heure actuelle, on a une grande urgence par rapport à nos pollinisateurs. On ne se soucie que de l'abeille mellifère. J'ai rien contre les abeilles mellifères, mais il a vraiment un gros problème par rapport aux pollinisateurs. On pense que c'est l'abeille mellifère qui fait tout. Donc, à l'heure actuelle, il était urgent de se poser la question parce que on a d'autres pollinisateurs et qui contribuent à notre chaîne alimentaire. On parle d'autonomie alimentaire. Et là, vraiment, si ces petites abeilles solitaires, on en a 2500 sur la France, disparaissent, et quelque part, il y a des endroits où on n'en a plus suffisamment, il y aura des végétaux qui ne seront plus là. Attends, 2500 abeilles solitaires, c'est tout comme population française ? Variété. Ah, j'ai eu peur. Espèce. Oh mon Dieu, j'ai eu un coup au cœur. Variété. Il y en a plus de 2498, alors on en parle. Variété. Oh mon Dieu, mon cœur a fait qu'un tour. Voilà. Espèce. Ah, genre, je suis rassurée. D'accord. Non, ce qui est quand même phénoménal. Oui. Et on avait un désintérêt total pour ces petits insectes qu'on classait pas forcément dans les abeilles. Et on va dire qu'on est au début de l'identification. On ne les connaît pas suffisamment. On découvre tous les jours quand on fait des prélèvements. Alors, je peux vous dire que quand on prélève par vraiment quand on découvre une abeille différente, pour l'envoyer à un laboratoire qui va pouvoir l'identifier. Pour revenir à notre chaîne alimentaire, il faut le savoir que ces petites abeilles, elles sont très maltraitées puisque elles vivent à 70% dans la terre. Et le reste, vous avez certainement pu en croiser, elles habitent dans des coquilles d'escargots, dans des petits trous qui sont dans les anciennes fenêtres en bois. On avait souvent les petits trous d'aération qui étaient colmatés avec comme une maçonnerie, quoi, hein, colmatée. Ben ça, c'est des habitats d'abeilles solitaires. Et puis, il y en a qui habitent dans du bois en décomposition. Ce ne sont pas des abeilles termites, hein, mais qui se nourrissent de cellulose. On a des abeilles aussi qui vivent sous des pierres. Donc vous voyez, tout ce que je vous dis, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans nos paysages, on a des choses très lissées. Donc on a complètement démoli l'habitat de ces abeilles solitaires qui pourtant contribuent à notre chaîne alimentaire. Donc pour revenir à notre association, il était urgent de faire quelque chose. Donc on a créé un collectif lorrain qui s'appelle Collectif Abeilles Lorraine, et où dans ce collectif il y a autant des élus avec des petites mairies comme des grandes mairies. Il y a aussi des personnes qui sont dans l'enseignement et des associations qui œuvrent dans l'environnement. Et aussi des gens comme les croqueurs de pommes qui sont intimement liés avec cette chaîne alimentaire. Et le but est de sensibiliser à tout cet habitat et de faire des focus. C'est, l'année dernière, c'était bzit bzit, c'est-à-dire on arrête de faucher partout. Ah voilà. J'allais dire, quand on commence à parler technique, pratique. Zone de bzit. Voilà. Voilà, zone bzit. C'est-à-dire que si on a. Les abeilles, elles ont un gros gâteau. C'est toutes les fleurs qui existent. Si ce gâteau-là, ben, on a déjà. On coupe déjà la moitié du gâteau et puis qu'on le jette, c'est pas très sympa, hein, déjà. Sachant qu'en plus, au niveau de la diversité des fleurs, eh ben, c'est pas ça non plus. Donc, il faut vraiment sensibiliser les habitants, comme les communes. Donc, la tonte, la limiter vraiment, surtout pendant la période de floraison. Ah, oui, voilà, ça, c'est super important. Et puis, ce qu'on a vulgarisé aussi, on a créé des packs VIP. Les packs VIP, c'est beau, hein, comme nom. En fait, c'est des packs où vous avez au moins 5 plantes qui vont, dans votre jardin, contribuer à installer ces abeilles. D'accord ? Donc, il y a de la bourrache, il y a de la sauge, il y a de l'hysope, beaucoup des fleurs bleues. Et ça va contribuer à ce qu'elle reste. Et vous allez observer que vous allez avoir énormément d'abeilles qui vont venir, qui sont très importantes dans la chaîne. Les tomates, elles sont pollinisées par quoi, à votre avis? Ben, elles ne sont pas pollinisées par les abeilles mellifères. c'est les bourdons. Et les bourdons font partie, c'est des bombyx, hein, ils sont pollinisés par des bourdons, ils ont plein de poils, et donc ils emmènent le pollen et ils passent à l'autre par rapport à leur poil, ils emmènent tout sur les autres tomates. Donc, vous comprenez bien que la chaîne alimentaire, elle est super fragile. Quand on a pu, c'est un bourdon, il va habiter dans la terre, mais de façon très aérienne. Donc, un tas de terre qui est avec du bois, etc. Là, vous avez une bourgade de bourdons qui existe. Vous allez les voir voler et sortent de terre. Donc, vous voyez la fragilité des biotopes. C'est incroyable. Oui, puis disons, ce qui est important, c'est effectivement d'arrêter d'avoir cette espèce d'obsession de tout propre. Exactement. Voilà, exactement. Et puis, telle fleur, c'est une belle fleur, telle fleur, ce n'est pas une belle. Mais non, les fleurs sont belles. J'ai reçu un magnifique bouquet de fleurs, je dirais, bon, il y en a... Oui, mais il y a quand même une orchidée, là, qui ressemble. Non, c'est du pot de senteur. Du pois de senteur magnifique, mais c'est splendide, vraiment. Et quand on imagine qu'est-ce que ça peut rendre vraiment heureux des abeilles d'avoir des endroits comme ça pour pouvoir butiner. Parce quoi. Que l'abeille, chaque fleur a son abeille quelque part, hein, d'accord ? Donc, il y a des choses qui ont moins d'importance, mais pourtant, dans la biodiversité, c'est super important. Et puis, il y a toute la pollinisation des légumes. Et des arbres, donc des fruits, les arbres fruitiers, les arbres au niveau de la cellulose. Par exemple, il y a une certaine, ça doit être les collettes lapins, parce qu'elles ont des noms super. Moi, j'aime bien les collettes. Elles pollinisent les saules. Donc, s'il y a plus de collettes, plus de d'osier. Vous voyez ? Donc, on est dans un équilibre hyper fragile. Et donc, il faut tirer des sonnettes d'alarme. Des packs VIP, par exemple, on en a livré 110 à des écoles de Meurthe-et-Moselle. Alors, ça s'est fait l'année dernière, hein, sur les Vosges, pour que les enfants observent tout ce que je viens de vous dire. Donc, il faut être en veille et surtout avoir une attitude... par rapport au traitement et par rapport à la fauche. On a même été vers un semencier de gazon pour qu'il mette dans ses gazons pour les communes, pour qu'il mette des fleurs qui soient intéressantes pour faire revenir ses abeilles solitaires. Alors, ces abeilles solitaires, elles ne piquent quasiment pas, que si vous les agressez, elles ne vivent que 6 semaines. Donc, vous voyez la fragilité. 6 semaines, de mars à octobre. La dernière, c'est la collette du lierre, qu'on voit qui est toute rousse. On dirait qu'elle s'est fait une teinture chez le coiffeur avant de commencer à polliniser, jusqu'en octobre. Et une fois, le but, c'est la reproduction. Donc, une fois qu'elles ont fait leur cycle, jusqu'à l'année prochaine, elles vont être en hibernation, en reproduction. Voilà. Donc on ne craint pas, c'est des bourgades de 50 au maximum. Et il y en a même qui sont à moins que ça. Voilà. Mais on ne les voit pas en fait. Mais non, on ne les voit pas parce qu'on n'observe pas. Enfin, moi je les vois parce qu'elles ont une autre forme. Oui, elles ont une autre forme et elles ont toujours des poils. Oui, des poils. C'est le gros distinguo avec les guêpes. Elles sont très lentes. Oui, ça dépend lesquelles. Là, il y en a une que l'on voit et on ne pense pas que c'est une abeille solitaire. C'est la grosse charpentière qui est noire. C'est une des plus grosses. Quand on a du bois, oui, on découpe, moi j'en ai, oui. Hein, qui se dégrade. J'en ai, mais elles font un bruit d'hélicoptère. Ah, exactement. Et puis elles ont quatre ailes. Et c'est magnifique. C'est magnifique, elles sont bleues, ouais. Oui, voilà. Il y en a toute une colonie chez moi. Mais bon, il y a des tas de bois chez moi, des tas de pierres, il y a tout. Des bourgades. Des bourgades, voilà. Je ne savais pas qu'à les voir, on avait les bourgades d'abeilles. Bon. Donc là, si vous voulez des informations, vous allez sur le collectif Abeilles Solitaires. Mais l'impulsion qui est venue pour arriver à cette création de collectif, c'est Apicool. Apicool, et là, vous avez des petites vidéos qui vous en apprennent énormément. Merci beaucoup, Catherine. Voilà. Alors, on va aller voir ces petites vidéos, effectivement, Happy Cool. Happy Cool. Happy oui. Cool, comme Happy et Cool, quoi. Oui, Happy Cool. Happycool.org. Voilà. Ça, c'est le site. Et si on peut écrire un petit mot à Karine Deveau, c'est contact@happycool.org. Merci beaucoup, Catherine. on reviendra vers toi pour la suite. Mais là, on va passer à la bojote avec Pascal. Alors, la bojote. D'abord, la bojote, il faut savoir que c'est comme c'est quoi de ça. C'est un truc vosgien, absolument. La bojote. C'est ouais. Un petit panier. Ouais. Oui, c'est un petit panier, souvent en osier. Souvent en osier, enfin, voilà. Qui permet de transporter voilà. nos aliments, nos légumes. Ouais, d'accord. Et alors, la bojote, c'était aussi une aventure. Ouais. Oui, c'est une aventure qui a commencé pour Véronique Olivier, son initiatrice, lorsqu'elle a lancé un financement participatif en 7 septembre 2019, où elle a récolté 2800 euros. Et puis, à cette période, elle a rencontré aussi... une cigale, on parlait d'abeilles, donc une cigale, mais attention, une cigale, c'est un club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, donc dont Claire fait partie également, la cigale coopératif, donc en l'occurrence. Hein. Et puis donc on a pensé au sein de cette cigale accompagner Véronique, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Véronique, puisque ensuite on a monté une association, enfin je vais vous raconter, oui. Qui s'appelle la Bojote des Lilas. Bojote des Lilas. Voilà. Oui. Alors Et qui se trouve à Blamont en Meurthe-et-Moselle. À Blamont ouais. en Meurthe-et-Moselle. Ouais, voilà, donc il y a un magasin. La Bojote des Lilas, donc l'objet de l'activité, c'est de favoriser une alimentation locale, bio, pour tous. Notamment en milieu rural, donc sous forme de livraison à domicile. Voilà, oui. Et évidemment, y a des producteurs locaux qui sont souvent à 30 km de distance, pas plus, d'autres à 60, ça dépend des produits. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser une alimentation locale et bio pour tous. Et donc là, vous avez un site internet. Tout à fait, la Bojote des Lilas, un site voilà, internet. Oui. Avec une vente en ligne. Oui. Avec aussi une vente sur site. C'est ça. Il y a oui. un magasin. Oui, un magasin. Vous avez rencontré certaines difficultés quand même à faire fonctionner. Il a fallu monter l'activité, c'est-à-dire qu'au départ, Véronique, elle voulait créer une micro, fonctionner en micro-entreprise, puis elle s'est rendue compte qu'économiquement, ce serait difficile. Donc du coup... Elle a souhaité une forme associative, et c'est comme ça que je suis devenu président de l'association de la Bojote des Lilas, parce que ce projet m'a parlé quoi. Voilà, ouais. Et puis en forme associative, il y avait des avantages. Tout quand à même, fait. Pour des aides. Oui, donc on a déjà eu une subvention de 5 200 euros de la région. Donc après le financement participatif, puis ensuite on a eu deux prêts. Chacun de 13 000 euros du Crédit Coopératif et de France Active Lorraine. Donc du coup, grâce à la forme associative, il y a d'une part une facilité économique et d'autre part une participation des citoyens. Donc du coup, l'idée, c'est qu'effectivement, les membres de l'association soient acteurs aussi de la Bojote des Lilas, en faire un projet citoyen. Acteurs en tant que clients ou en tant que participant à l'organisation. En tant que participant, par exemple, pour faciliter la communication de l'activité, pour aller à la rencontre des producteurs, créer des animations, des rencontres entre les producteurs et les consommateurs, etc. Il y a plein de choses à faire au niveau associatif pour créer du lien, justement. C'est aussi l'objet de cette association. Oui, parce que quand on... Est-ce que l'avantage d'employer à l'intérieur de l'association, c'est la nouvelle génération pour créer des emplois ? Je ne sais pas, mais en tout cas, en termes d'emploi, Véronique, elle a son emploi, effectivement, qui est subventionné. Donc, si la forme associative a permis de subventionner presque totalement son emploi, on a également cherché à embaucher une personne. Ça n'a pas fonctionné, mais elle était subventionnée également. C'est un emploi qui était subventionné, donc on l'a licenciée assez vite parce qu'elle n'a pas convenu. Mais en tout cas, voilà, effectivement. Bon, en tout cas, pour notre cas, si ça avait bien fonctionné, il y aurait deux emplois à cette heure-ci. Ouais. Mais quand on parle d'autonomie alimentaire, c'est vraiment l'autonomie collective, locale, et puis reprendre conscience de cette implication qu'on a dans la vie de tous les jours, que ce soit pour la nourriture... autre que d'aller au supermarché, de prendre dans le rayon un truc et puis de payer à la caisse, en gros. Oui, c'est puis, peut-être puis, un changement puis, de mentalité. Puis une implication des citoyens dans l'économie, puisque là, c'est des personnes locales qui se disent, voilà, je vais créer une activité qui fait fonctionner des producteurs locaux. J'implique des citoyens, des membres associatifs qui, après, peuvent avoir l'idée de aussi créer d'autres activités. C'est vraiment relocaliser l'économie et recréer des emplois locaux aussi, au travers de tout ça, hein, quand même. Donc c'est effectivement l'autonomie alimentaire, ça fait un peu peur comme mot, parce que quand j'avais lancé le sujet, j'ai eu quelques réflexions qui m'ont dit, mais attendez, c'est quoi ce sujet, c'est un peu bizarre, est-ce qu'il faut qu'on fasse notre jardin? J'ai dit non, ce qu'il faut c'est prendre conscience d'une autre manière de fonctionner qui est simplement locale et qui est aussi, je dirais, solidaire, qui est aussi... plus en conscience de ce qu'on fait. Et ça va dans les gestes de tous les jours, une autre manière peut-être de fonctionner. Voilà. Avec tout le monde qui est gagnant-gagnant, puisqu'on a le consommateur qui va avoir des produits à des prix qui sont tout à fait intéressants. On a le producteur qui va avoir de nouveaux clients et on a une structure qui favorise tout ça, qui donne des emplois. Oui. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Effectivement. Voilà. Bon, ben merci beaucoup pour ton expérience de la Beaujotte. Merci. On te remercie beaucoup. Pascal. Merci à toi. Mais maintenant, on va clore avec Catherine qui va nous parler de quelque chose que, personnellement, j'y tenais beaucoup parce que c'est un sujet qui me semble intéressant. Nature en cuisine. Elle nous a fait une démonstration il y a quelque temps qui m'a un peu estomaqué, on va dire ça comme ça, parce que effectivement, je me suis dit, il suffirait d'avoir quelques patates et après, avec tout ce qu'il y a dans la nature, eh ben, on se fait des rudement bonnes patates. Pour dire, c'est un peu caricaturé, Catherine, je te laisse peut-être oui, expliquer. Oui, mais c'est pas loin de ça quand même. C'est pas loin de ça. Parce qu'on là, on parle vraiment d'autonomie alimentaire. En fait, on a un merveilleux jardin qui est la nature. Et qui nous offre la possibilité de pouvoir nous nourrir. Simplement, on méconnaît totalement les plantes sauvages qui sont autour de nous. Et ces plantes sauvages, elles ont beaucoup de qualités, et ça nécessite aujourd'hui, moi j'ai trouvé que c'est super intéressant, de se relier à cette nature qui nous entoure, parce que ça crée toujours du lien, puisqu'on fait des balades en groupe, mais aussi d'identifier son biotope. Où on vit, il y a des plantes qui poussent. D'ailleurs, quand je suis venue en repérage chez Catherine pour faire cette journée, j'ai pas trouvé du tout les mêmes plantes qu'à Épinal. Il m'en manquait un peu et j'en ai trouvé d'autres. Donc, d'où l'intérêt d'être lié avec son territoire. Et par contre, découvrir les plantes sauvages qui sont autour de soi, ça offre une liberté incroyable. Oui. Le plantain, par exemple, qui est méconnu, c'est quelque chose de fabuleux. Oui. Le persil sauvage. L'alkylée millefeuille. L'alkylée millefeuille. C'est l'alkylée millefeuille, le persil sauvage. Oui, on dit que c'est le persil des champs. Le persil des champs. Enfin, voilà. Donc, on a aussi. Et les pierres. Les plantes nous réservent aussi des saveurs extraordinaires. Les pierres. Les omelettes au bolet. Les pierres, ça sent. Terriblement mauvais, mais quand vous la frottez, c'est un cep. Donc on peut faire des consommés l'hiver avec ça, et vous faites une soupe, comme dit Catherine, avec des pommes de terre, un petit fondu d'oignon, et vous jetez vos feuilles des pierres, et là vous avez une soupe de cep qui est extraordinaire sans cep. Après, moi j'appelle ça les abreuvoirs à oiseaux, où il y a de l'eau dedans, là, mais quand ils sont en bouton, comment ça s'appelle ça ? Les berces. Les berces, ouais. Alors oui, on s'est fait aussi des boutons de berce, des bourgeons de berce qui sont. On mange du brocoli, quoi. Voilà. Mais trop bon. Donc quoi. Voilà. Et moi, dire que je coupais ces enfin, ces végétaux en me disant, mais quelle cochonnerie! Et maintenant, je vais bien regarder quand ils sont en bourgeon. Donc, pof, je vais me faire des brocolis. Et le fait est, c'est que là, on a des aliments qui sont vivants. Ah oui. On les cueille, on les mange. Il y a plein de vitamines à l'intérieur, de minéraux. Et donc, je trouve que c'est urgent de se reconnecter avec son biotope. On a de la résilience et surtout, ça nous reconnecte aussi à des savoir-faire antérieurs. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la pharmacie, avant, elle n'était pas tout près. Et on peut faire des choses simples, hein, des sirops pour la toux, des pommades pour les crevasses, etc. Et c'est vrai que c'est aussi une autonomie qui est formidable, quoi. Donc, On réorganisera encore en automne. Oui, voilà. L'idée, c'est aussi de récolter des graines et des racines pour l'hiver, pour avoir les récoltes de carvi, par exemple, hein, qui est le cumin des Vosges, les graines de berce aussi, qui sont très bonnes, qui sont anisées. Et on peut aussi récolter des racines qui nous donnent des onguents ou voire des aliments, quoi, oui. Et qui sont très goûteux. Oui. Voilà. Là, on se réjouit de te réaccueillir encore une fois. Et là, on vous invitera tous à venir à cette journée pour en automne. Tout à fait. Septembre, octobre. Alors, on est très tributaire de la météo. Là, par exemple, à l'heure actuelle, on pourrait dire mi-juin, on pourrait encore faire des balades de belles identifications. Cette année, par exemple, c'est très compliqué. Parce qu'on a largement plus d'un mois d'avance et les plantes sont déjà en graines, alors qu'habituellement, elles n'y seraient pas comme ça. D'accord ? Mais on verra septembre-octobre. Mais c'est la période parce qu'il faut que la sève redescende. D'accord. Voilà. Ben, et l'idée, c'est de cuisiner tout ça pour vous dire que dans le quotidien, même si on n'a plus rien dans le frigo, on peut aller dehors chercher ces petites choses. Voilà, et se faire des bons sirops pour la toux aussi. Voilà, on pourra se faire des bonnes petites choses. Avec le gaillet, voilà. Voilà. On se réjouit tous. Merci beaucoup, Catherine. Ben, maintenant, on va demander à Olivier de nous refaire une petite musique. Puis ensuite, on écoutera l'acrostiche de Françoise. Oui. Et la chronique de Filmo. À toi, Olivier. Prenez garde, bonnes gens, aux trompettes du jugement. Car si loin n'est pas le temps où sonneront dans le vent. Sonnez trompettes d'argent, Dieu vous sera indulgent. Sonnez trompettes d'argent dans les esprits indigents. Sonnez, sonnez encore, sonnez jusque à la mort. Mais Dieu sonnera plus fort, car sa trompette est en or. Prenez garde, bonnes gens, aux trompettes du jugement. Entendez les bonnes gens sonner déjà dans le vent. Bientôt sonneront plus fort, car déjà s'en vient la mort. Prenez garde, bonnes gens, aux trompettes du jugement. Car si loin n'est pas le temps où sonneront dans le vent. Cachez trompettes d'argent, Dieu vous sera indulgent. Car sa trompette est en or et résonnera encore. Quand les vôtres délaissés tintamarres auront cessé. Prenez garde, bonnes gens, aux trompettes du jugement. Écoutez les bonnes gens, sonnez déjà dans le vent. bientôt sonneront plus fort pour un nouvel âge d'or. Bientôt sonneront plus fort pour un nouvel âge d'or. Merci beaucoup, Olivier. Françoise. Pas vraiment eu le temps de laisser décanter, mais... C'est pas grave. Des fois, c'est bon même sans avoir décanté. C'est quoi de ça? Ah, voilà. J'avais demandé à Françoise qui fait... Alors, les acrostiches, je répète pour ceux qui ne sauraient pas. C'est donc en la verte. Elle met une phrase et elle commence avec chaque première lettre une autre phrase. Voilà. Et là, elle me disait autonomie énergétique alimentaire, mais ça fait lent tout ça, mais qu'est-ce que je vais dire et tout. Alors je lui dis, écoute, tu vas nous faire c'est quoi de ça à la Vosgienne. À la Vosgienne. C'est quoi de ça l'économie alimentaire énergétique? Envie éperdue de tout recommencer à zéro. Savoir savourer le soleil dans son assiette. Tout faire pour consommer des produits frais et locaux. Quitter les chemins battus pour la qualité et la fraîcheur. Urgent besoin d'aller faire ses courses dans une halle traditionnelle ou dans un vieux marché couvert où les producteurs vous attendent, ivres de faire goûter leurs produits pour leur goût avant tout. D'aller remplir une bojotte de carottes aux fans, toutes vertes. Ça sent tellement bon, dans chaque coin, une autre odeur encore meilleure. Allez, à bientôt, à la royotte. Merci. Magnifique acrostiche vosgien. J'espère que tu me l'enverras. On le mettra sur l'Union des écrivains vosgiens. Là, on le publiera sur le blog. Magnifique acrostiche vosgien. On va passer à la chronique de Filmo. Voilà. C'est vrai, vous êtes bien là. Tout le monde va bien. Alors, j'avais envie de reparler de l'autonomie alimentaire. Ça se cultive. Voilà. Alors, déposer la bonne graine et porter en charrue. Alors vous verrez grandir à vos côtés tous vos légumes que vous considérez. Et si vous avez dans quelques bonheurs il y a « cultive ton jardin », dit-on, n'est-ce pas? Eh bien, de cette carotte de tes cuisses, chou de ta tête et patate de corps, eh bien, le thym, le basilic, le laurier, le persil, la ciboulette... de nos pensées dans une alimentation saine et diverse. N'est-ce pas merveilleux de considérer sa femme comme non pas un légume, mais tout l'aromatique que vous avez décidé, hein? Bande de petits peaux de lorrain, nous dirons comme ça. Je pense au jardin thérapeutique aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Madame doit correspondre à la demeure. Le Moyen-Âge aidant, des connaissances ont circulé. On sait de quoi on parle. Voilà, j'en ai déjà vu. Simplement, j'aimerais bien que ça se développe. Voilà, merci d'y penser, on ne sait jamais. Face à la dégradation de la situation alimentaire, on ne voit qu'une chose, c'est la poussée urbaine. Si nous faisons des jardins collectifs à l'intérieur des cités, on peut mobiliser peut-être 10 sur 10, 20 sur 50, un petit territoire urbain, mais consacré à la culture collective. Je pense que c'est comme l'animateur de quartier d'hier. On a manque de bol raté la vocation d'animateur de quartier. C'est pourtant prépondérant à l'histoire et que chacun s'y considère, quoi. Désormais, vivons en liberté au sein des quartiers et consacrons notre esprit à dynamiser le quartier à notre façon. Comme les nomades d'hier, voyager de cité en cité, et n'avait qu'un esprit, s'était revendiqué pour tous. Et au sein de toutes les sociétés, au sein de toutes les cités, ça paraissait rien. Eh bien, c'est ce qu'on nous invite à faire aujourd'hui en auto. Alors, on disait tout à l'heure, ça m'a beaucoup plu quand même, c'était que l'autosuffisance, c'était une autarcie, alors que l'autonomie vivait plus libérale et démocratique, si j'ose dire. Mais ça m'invite à comprendre qu'une chose, c'est que la dynamisation, n'oubliez pas de toucher la terre, qui vous rend l'énergie suffisante pour retoucher encore la terre. Mais encore fallait-il y penser la première fois ? Si vous avez décidé d'aller toucher la terre alors que vous ne l'avez jamais touchée, vous allez peut-être vous dire « Ouh, ce n'est pas pour moi ». Eh bien, allez toucher la terre, vous verrez, revendiquez ça autour de vous, cultivez ne serait-ce qu'un pot de fleurs chez vous, hein, une plante à vous, avec votre terre et votre pot de fleurs, examinez qu'avec un pot de fleurs, vous pouvez en avoir deux, après que vous pouvez commencer à planter ailleurs, et ainsi de suite. Donc, vous savez planter, vous adorez ça. Messieurs, qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a des façons de suggérer une petite proposition sur le moment ? Non, tout va bien. Donc, je permets de continuer face à la dégradation de la situation alimentaire. Je ne vois que quelques solutions. Eh bien, au Zimbabwe, il faut l'avouer, on insémine artificiel. Alors, il va falloir trouver des inséminateurs, c'est vrai. Mais c'est une possibilité d'avoir de la viande nouvelle demain pour ceux qui veulent absolument de la viande. Voilà. Et puis nous avons une maîtrise de l'eau qu'il faut bien comprendre. Je crois que c'est ça le moteur aujourd'hui. C'est quand vous utilisez votre bac, imaginons, pour vous brosser les dents, vous vous rincez sous le robinet ou bien vous vous rincez dans un petit gobelet ? Parce que ça, on n'a pas l'habitude d'y penser. Mais si vous avez envie d'un gobelet, c'est super chouette, c'est un gobelet. Et de remplir son petit gobelet, c'est super chouette. Puis après, on arrête l'eau. Ça fait 2, 3, 4, 5 litres de moins. Vous descendez 5 litres le matin en vous brossant les dents. Vous n'y pouvez rien si vous habitez au bord de la ferme et que l'eau, elle dégouline depuis 8 ans. Mais ça, on n'en voudra pas aux fermes d'avoir de l'eau. Hein. On a du mal à les partager comme ça. Hein. Vous connaissez le phénomène. Hein. Vous en avez un propriétaire qui vend le terrain. Manque de bol, il devient propriétaire de l'eau. Voilà qui vous coupe l'eau à vous, le propriétaire d'hier. Mais ce que je veux dire, on est une dramaturge avec ça. Il faut quand même considérer. J'en étais aux solutions. Alors, il y a une création d'emplois dans le milieu artistique que nous sommes, les travailleurs de la terre. Car mettre les mains dans la terre, il n'y a rien de plus beau. Ce n'est pas du phénomène que vous allez vous salir la main, c'est que vous lui rendez la puissance suffisante pour aller créer une plante. C'est vous qui créez une plante, là, si soudain. Donc, cultiver son jardin, c'était hier... au sens physique, c'est devenu au sens démocratique et philosophique. Mais nous devons revivre ça. C'est merveilleux d'aller revivre son jardin et d'aller... quelques fraises il y a depuis 2 jours. D'avoir 2 fraises de chez soi, quoi. On est tous d'accord. Ça va, ça. Bon, ben, on aura des fraises, voilà. Hein, on va pas s'arrêter comme ça. Hein. Voilà. Alors, l'autosuffisance, ça vient de la gestion des subventions. Alors ça, qu'on a un gros problème, c'est que les subventions, elles se divisent en subventions, puis en subventions, puis en subventions. Et du coup, il ne reste pas grand-chose pour celui qui s'était vraiment intéressé. Là, j'ai l'impression qu'au niveau de la répartition actuelle, c'est très mal géré au niveau international. International. Parce que les gens ne sont pas responsabilisés à la planète. Ce sont tous des nationalistes qui parlent le franche, ich, ouch, aïe, aïe, mais qui avaient oublié quand ils se baladaient sur la 5e avenue qu'ils avaient envie de rencontrer des stars, et puis des stars encore, et puis c'était eux la star. Alors soyons globaux, globalistes, l'universalité est en nous, l'universalité. Une seule tête pour de l'univers, ça vous dit? Est-ce que quelqu'un s'en fout complètement ben... J'avais envie de parler de l'huile, de la farine et des œufs. Nous allons vivre une souffrance énorme. Achetez une poule. Tout le monde achète une poule, d'accord? Toi, t'en voulais une quelle couleur? Moi, j'en ai vu des jaunes. T'en veux des bleus, t'en veux des rouges. Je vois Segundino qui achète une poule là dans les moments qui viennent. Bah pour nous fournir les œufs, mon pote. Il y en a bien un qui va trouver la poule. Qui c'est qui s'occupe de la poule? Personne? Bon, je vais bien m'en occuper. Ça va être chouette. Bon, bravo! Merci tout le monde. Je voulais dire, je n'ai pas remercié les artistes. Alors, les artistes, ce soir, Alban, dans l'étonnement des chansons personnelles et engagées. D'un rock au cœur illumine d'un slam un bonheur aux sept sentiments, sensations, émotions, un bodyguard. Et lève-toi et parle, réflexe animal, loin de se faire le mal terre, on va dire le mal de la terre, il a une fondation, c'est l'abbé Pierre, voilà. Pierre Fettet, il a reconnu que l'autarcie, c'est pas forcément bon. Les deux copains là. Et merci, parce que si je savais faire que du cochon, des patates et du raisin, je me ferais chier depuis longtemps, je croirais manger que de ça. Assurez-vous l'énergie fossile et renouvelable dans la pensée des anges. pardon. Le chauffe-eau solaire thermique divisé en deux à la maison. Ça, c'est bon, ça. Avoir enfin l'idée d'avoir le plan solaire, la réserve d'eau et l'alimentation d'eau chaude. Déjà fondamental, vous passez comme ça. Ça vous dit, vous y passez bientôt? Ah oui. Ah, c'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait, bon, d'accord. Je parlais de... Alors, voilà, ça c'était Pierre Fettet, merci Pierre et Pascal, pardon. Olivier nous a fait un spectacle formidable, là, tourne encore. Encore de ballon. Il tourne encore de ballon. Voilà, ça c'est Olivier. Il nous est arrivé Catherine Apicoul. Elle est super polie, elle est pollinisateur. Elle tour du cœur, sœur de nos fleurs, poids de senteur, Catherine Apicoul. Ouais. C'est marqué comme ça chez moi. Yeah, Pascal. Alors là, la bougeotte, qu'y a-t-il dedans? Mais il y a, ça doit être la lumière. De la jugeote, de la créativité dans l'associative. J'ai conclu. Il y a deux mots importants ici. C'est creative, associative. Yeah, I know that. You come from your idea. Yeah, when I was a young man, I took my bag and I went to a party with you. Yes, well, I listening to find. Dans la création d'emplois, la sauce au cœur de la ville. Ça c'est beau, ça. Dans la création d'emplois, la sauce au cœur de la ville. De la sauce partenaire et fructueuse. Ça, c'est bon, ça, des gens qu'on rencontre même pas. On ne savait même pas que ça existait. Hein. Ah non, mais super, hein, vraiment, si ça existe. Alors là, D'ailleurs, j'ai une remarque à faire à madame en matière de l'abeille qui vit. J'ai travaillé moi-même dans une société qui s'appelait Épargne de France. Elle a dû vendre sa société à une société qui s'appelle Abeille Vie. Et c'est eux, vos fournisseurs agréables, dont il faut parler. Parce qu'ils sont les copains de l'Angleterre et les copains de la France. Alors, faut y aller des abeilles à Dunkerque, c'est bien. Mais quand elles traversent la Manche, c'est mieux. Hein ? Faudrait faire de l'anglais un peu. Financé par Abeille, si vous permettez. Je vais vous investir d'une mission. Vous aurez responsabilité de budget plus conséquent. Donc, veillez à répartir de la meilleure façon qui soit. Olivier Lee, si on va essayer de financer ça. De toute façon, Olivier, on sait bien de qui il s'agit. Il n'y en a qu'un parmi nous. Olivier, vous connaissez l'olivier qui est la plante de sagesse et d'amour et de sens. Regardez devant vous, vous en avez un vivant. Il va vous ressentir quelque chose d'énorme. Il nous dit « Attention, sonnez. Voilà la mort. De vivre, de rire et de vire, et de vire de la chanson, montre un mot et passant, que bonnes gens, dit-il sur le final. Et Françoise, Ars Doudan, Françoise Adou, Ars Doudan, Françoise, ja, das ist eine gute Idee, ich spreche auf Deutsch. Ich verstehe dich leider nicht. Käme bei Zeit. Und ein bisschen Wirklichkeit antworten. Du sprichst mit Philosophie. Very color diamant. Merci madame. Merci beaucoup, Guillemot. Merci beaucoup. Après cette chronique décoiffante, parce que là, franchement, elle était décoiffante, hein. En tout cas, moi, le peu que j'étais coiffée, je suis décoiffée. Complet. Eh bien, on va passer à notre incontournable tour de table. On va passer le micro à Pierre qui va démarrer, allez, de cette soirée. Alors, ce que je retiens de ça, de tout ce qu'on a entendu, c'est que l'autonomie, c'est bien si elle reste collective, si ce n'est pas de l'autarcie. Absolue, il faut continuer à vivre en société et faire des projets collectifs, parce que tout seul on n'y arrivera pas. Merci Pierre. Bon, on va passer à Pascal. Effectivement Pierre, je suis bien d'accord avec ça, et les abeilles sont là pour nous montrer le chemin, n'est-ce pas Catherine ? Oui, mais pas trop près. Mais pas trop près. Pas trop près des abeilles, si, près des abeilles, parce que les abeilles sont là pour nous sauver, hein, et nous devons les sauver aussi. En tout cas, elles sont fascinantes. Merci hein, Catherine pour ce récit sur les abeilles. Merci. Catherine ? Alors, je dirais que l'autonomie alimentaire, elle nous implique des changements, de sortir un peu de notre zone de confort, hein, de nous remettre en question sur des postures. Mais en fait, ça nous ouvre un nouvel horizon et je vois que ça nous met en joie par rapport à tout ce qu'on a vu. Et on n'est pas du tout terrorisé par rapport à ces changements. Et je pense que l'autonomie alimentaire qui s'impose à nous aujourd'hui, dans nos vies, est l'opportunité, c'est une opportunité de vie. Voilà. Une opportunité de joie supplémentaire. Exactement. Merci beaucoup, Claire. Eh bien, moi, je pense que effectivement, comme Pascal et Pierre, l'autonomie, qu'elle soit énergétique, alimentaire, c'est une affaire de collectif, mais aussi dans nos vies individuelles, des pratiques de tous les jours. Parce que c'est complémentaire. Enfin, je veux dire, moi, à titre personnel, je sais que depuis 3 ans, j'ai une chaudière à gaz couplée avec 2 panneaux solaires thermiques. Et c'est une grande joie de me dire que pendant 6 mois de l'année, quand je prends une douche, c'est le soleil qui me chauffe mon eau. Et pour info, ma facture de gaz, là, en mai, c'était 20 euros d'abonnement et 5 euros de consommation pour un mois total. Voilà. Et puis l'autonomie alimentaire, effectivement, en individuel, ça peut être chaque fois qu'on a des opportunités, des fruits en abondance dans son verger, des légumes, enfin, entre guillemets, des réserves, quand on peut, quand on a trop, pour ressortir quand on n'a pas assez. Voilà. Et pour partager aussi. Et pour partager, et pour en faire profiter les copains, les copines. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Olivier, je te laisse tourner le micro maintenant parce que je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Non, je ne sais pas. Moi, je voudrais juste dire que l'autonomie, c'est aussi une question un petit peu d'architecture et d'aménagement de l'espace. Et donc, mais là, je serais un petit peu hors sujet. Moi, je propose de, pour les prochaines élections présidentielles de présenter un document d'architecture, de ce que j'appelle d'architecture globale, qui soit un modèle de société, et puis qu'on présente non pas une personne, mais un modèle de société. Ah oui, c'est intéressant, très intéressant, oui, merci. Eh bien, Vincent. À moi, mon ego a souffert de ne pas pouvoir d'éviter quelques aphorismes ou quelques impressions. Je me demandais, moi qui je cours partout, il y a ralentir pour vivre et se dépêcher pour mourir, donc c'est la vraie. Et j'avais un grand texte qui s'appelait Gaspi le Magnifique, donc que je sois magnifique, mais c'était moi. J'avais le sentiment, oui, de cavaler, pour faire avancer des causes militantes pour justement mieux vivre. Mais moi, je suis parfois à côté de ce mieux vivre pour faire avancer justement tout cela. Et puis je pensais donc à des périodes de l'histoire, quand vous avez évoqué les plantes, tout ça, les hommes préhistoriques, pas les néolithiques qui les a cultivés, mais ceux d'avant, donc les paléolithiques ou les mésolithiques, Pierre, que j'aime bien. Pierre aussi, mais mésolithique aussi. Les mésolithiques étaient des chasseurs-cueilleurs, et les paléolithiques aussi, l'homme de Cro-Magnon, se baladaient tout le temps dans la nature et mangeaient constamment de ce qu'ils trouvaient. Ça, c'était de l'autonomie. Voilà. Après, d'autres périodes de l'histoire que me sont venues à l'esprit, c'était ainsi la période de la guerre de 30 ans, où il y avait de l'autonomie, les gens se dévoraient les uns des autres. Et par exemple, il y avait une mère et une fille qui se battaient. Et la première qui tuait l'autre avait son beefsteak, c'était sa maman. Voilà. Donc là, il y avait une autonomie particulière pendant la guerre de 30 ans, qui recommence un peu à l'heure actuelle de nos jours. Et puis sinon, dans ma vie personnelle, des expériences, j'ai eu, à un moment donné, je faisais de la macrobiotique. On mangeait 100 fois une bouchée de riz complet et on buvait un verre d'eau tous les deux jours. Là, c'était économique, mais j'ai pas trop tenu longtemps, sauf que ça m'a permis de faire mon fils à l'époque. Peut-être que ça a joué, mais non, mais ça, c'est voilà. Et puis je pensais, puisque Catherine est là, qu'on avait essayé de faire un circuit il y a 3-4 ans de monnaie locale. On s'est planté, on n'a pas continué, c'est fort dommage. Et dans l'histoire, voilà, ce sont des choses à continuer, à essayer de continuer. Mais c'est vrai que je suis un petit peu dans toutes ces impressions contradictoires entre ces vies, ces pulsions de vie, ces désirs de mieux faire, et puis en même temps, on bouffe, on vient ici, on boum, gazole, enfin c'est gazole ou essence, comme on veut. Voilà, bon, on est dans des contradictions. Je voulais dire. Oui, tout à fait. Voilà. Merci, Vincent. Moi, le premier. Oui, Mickey. Oui, j'ai pas trop de choses à dire. C'est très brouillon dans ma tête. juste que l'autonomie avec les autres, ça me va bien. L'autonomie avec la nature comme partenaire aussi, c'est... ça me rassure. Je me dis, moi qui n'ai pas de jardin, j'ai des amis. Et puis il y a les orties, et puis il y a les prêles, et puis il y a... Voilà, il y a toute la nature autour de moi et... voilà, on n'est pas tout seul. Une fleur. Voilà. Voilà, donc Mickey est une fleur. Merci Mickey. Delphine. Eh bien, moi je pense que Françoise a tout résumé dans son beau petit texte, et notamment la partie qui disait que finalement cette autonomie, c'était un peu de repartir à zéro et retrouver, je dirais, des savoir-faire perdus, remettre les mains dans la terre, comme disait aussi Filmo, ça fait du bien. Et puis, ça apporte, je dirais, beaucoup de joie, que ce soit individuelle ou collective, à travers les différentes rencontres. Oui, voilà. Merci beaucoup Delphine. Souad. Moi, l'autonomie, ça m'inspire. Du coup, aujourd'hui, j'ai appris plein de choses, surtout sur les abeilles, parce que le sujet de l'autonomie énergétique, je connaissais déjà pas mal. Mais la partie que Catherine a animée était très intéressante, donc merci beaucoup. Du coup, pour moi, l'autonomie, c'est déjà prendre conscience, connaître, savoir des choses, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, on est juste ignorant de certaines choses, ce qui fait qu'on ne se met pas forcément en action. C'est aussi de la responsabilisation, c'est-à-dire, ok, une fois que je sais, maintenant je choisis de prendre ma responsabilité et de devenir acteur et de pas juste rester passif et continuer dans un cycle de consommation illimitée où j'arrête pas quoi. Donc connaissance, responsabilisation et action. Voilà. Merci beaucoup, Souad. Guillaume, qu'est-ce que tu dirais de tout ça, toi ? Moi, ce que j'ai envie de rajouter, quelque chose qui... je pense à quelque chose qui rejoint l'autonomie alimentaire et énergétique, c'est sans que ce soit quelque chose d'austère, mais qui peut être léger et de temps en temps, c'est le jeûne. Parce que c'est aussi ça. Je pense que le jeûne, ça va aussi dans une démarche à la fois de confiance dans le corps qui sait se réguler, confiance dans le fait que on peut vivre sans manger trop souvent. Peut-être que aujourd'hui on est vachement plus sédentaire qu'avant dans la globalité et on se nourrit beaucoup plus. Donc en termes de sobriété, ce qui impacte à la fois l'énergie et l'alimentation, c'est vrai que peut-être que expérimenter un peu ça peut être une idée de façon légère, intermittente, que ce soit un repas, une journée. Un peu au-delà, toujours dans la sobriété, peut-être un peu comme on parlait avec ça rejoint un peu les ateliers nature et alimentation de Catherine, manger un peu plus de choses crues. C'est-à-dire que tout n'est pas obligé d'être cuit, en fait. Donc aussi, en termes d'alimentation et de santé, souvent, on surcuit les choses, ce qui utilise de l'énergie. Et puis aussi, pour notre corps, peut-être que c'est des choses qui vont être moins disponibles. Et puis, pour finir, aussi des méthodes, peut-être, comme la lactofermentation, des choses comme ça, qui n'utilisent pas d'énergie, qui nous permettent de conserver les choses quand on en a trop. Parce que le gâchis, c'est aussi quelque chose... Je sais que... quand il y a les fruits ou certains légumes qui arrivent, on ne sait plus quoi en faire parce que tout arrive en même temps. Et du coup, qu'on récupère des connaissances par rapport à ça, en fait, comment conserver les choses, comment bien les conserver. Et faire des ateliers là-dessus, ça peut être quelque chose de chouette aussi. Quoi. Oui. Merci beaucoup, Guillaume. Segundino. Moi, je pense qu'il faut faire prendre conscience, comme disait Pierre... peut-être à leur faire prendre conscience aux gens, plus conscience, j'irais même, parce qu'aujourd'hui, ça médiatise partout, l'écologie est aux premières portes, mais les infrastructures au pouvoir n'y sont pas. Il faudrait leur faire entendre déjà ça à eux, que les autres structures suivent, et qu'il y ait une éducation par rapport à ça, et une éducation et un changement, c'est-à-dire radical. Quoi. C'est... Voilà. Merci, Segundino. Evelyne, le fil, voilà, vous allez Oh, joli, joli travail collectif et d'équipe. Oh, une caméra aurait été nécessaire. J'ai pas grand chose à dire. Tout a été dit déjà. Moi, je suis très intéressée par les abeilles et tout ce qui est insectes, tout ça. Ça m'intéresse énormément parce qu'on constate vraiment la diminution des insectes. On le voit d'année en année, quoi. Et moi, ça me fait peur un peu tout ça. Donc, pouvoir conserver des biotopes comme ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, les ateliers aussi. Voilà, connaître les plantes et comment les utiliser. Oui, ça m'intéresse beaucoup tout ça. Oui, je vous enverrai une invitation pour septembre. Sylvie. Oui, moi je bricole un petit peu dans mon coin, donc ça fait quand même maintenant quelques mois que des réseaux sont en train de se construire un petit peu, enfin des réseaux que moi je ne connaissais pas. Voilà, donc on est un peu plus en lien et en réseau et j'apprends plein de choses. Bon, il y a des choses que je savais déjà un petit peu où je tâtonne dans mon coin et voilà. Donc moi j'essaie de... J'ai fait de chez moi une zone bzzz depuis que j'habite là-bas où je suis. Refuge LPO aussi, voilà. Donc là, il va falloir que je m'oriente vers la technique cette fois-ci pour passer vers un peu plus de réduction de mes dépendances électriques, etc. Et je suis très intéressante parce que je connais pas trop les plantes non plus, pas vraiment, et ça m'intéresse beaucoup de faire cette petite balade de reconnaissance de plantes sauvages et ce qu'on en fait. J'ai déjà acheté un petit livre pour les cuisiner, mais je sais pas les. On va en programmer une. Je suis pas sûre de bien les reconnaître, donc j'ai besoin de. Au printemps prochain, on s'y mettra à l'avance, Catherine, et on refera pas, la. Je ne suis pas assez sûre de mes connaissances pour y aller comme toute seule. Moi, je me promène et je me répète tout ce qu'elle a dit et puis je ressens, je regarde. Oui, ça je dis, ah tiens. Parce qu'il faut du temps. Alors moi, j'ai mis une application que m'a conseillé Pascal aussi, mais des fois, je n'ai pas tellement confiance. J'aime mieux le vivant. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des choses qui ressemblent tellement à d'autres que... Voilà. Merci, Sylvie. Merci à tout le monde pour tous ces échanges qui étaient intéressants. Marie-Christine. Oui, alors je remercie tout le monde pour toutes les interventions. Je suis vraiment contente d'être venue. Et ce que je me dis, c'est que dans la nature, on trouve tellement de choses et je suis contente de faire ce que je fais à la maison, c'est-à-dire de ne pas attendre tout le temps. Je fais débroussailler, mais je laisse plein de choses parce que je m'aperçois qu'il y a plein d'insectes qui arrivent. Et je suis toujours en admiration en fait devant tout ça, devant tout ce que la nature nous donne. Et je demande surtout à plein de monde de la respecter, parce qu'on s'aperçoit tous les jours que tout est gâché, quoi. Et puis en tant qu'autonomie alimentaire, c'est merveilleux. Puis il y a le partage, il y a tout ça, quoi. Oui. Donc je trouve que c'est bien. Puis on a des nouveaux habitants, et c'est merveilleux, quoi. C'est bien. C'est gentil. Voilà. Et j'attends avec impatience pour reconnaître les plantes, parce que malgré tout, je ne connais pas toutes les plantes que la nature nous offre. Oui. Donc là, c'est parfait. Ah, mais on a passé une très belle journée avec Catherine. Ah oui, j'attends avec impatience. Merci beaucoup, Marie-Christine. Aurélie. Oui, alors pareil, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je dis juste que j'ai de la chance de vivre dans un éco-quartier. Et comme j'étais déjà très sensible à ça, à la nature et aussi à l'énergie, je me rends compte qu'entre habitants, quand on parle beaucoup entre nous, on profite de moments vraiment super. Et je remercie aussi Catherine pour les bourdons, parce que nous, on fait très attention à ces petits insectes chez nous. Et j'en ai plein qui viennent se poser sur le bord de ma fenêtre et je vais pouvoir les regarder vivre un peu différemment. Voilà, donc je les remercie beaucoup pour ça, d'en avoir... appris un petit peu plus sur ce petit animal. Voilà. Oui, merci beaucoup Aurélie. Christophe 1, Christophe 2 voilà. Après. Oui. Merci à toutes et tous pour vos interventions. Bon, moi j'étais, peut-être pour en ce qui concerne les voitures électriques, on n'en a pas trop parlé. C'est le grand sujet du moment, les voitures électriques, mais je ne crois pas que ça soit une solution, parce que quand on s'y intéresse de près, ça va être, je crois qu'on va droit à la cata. C'est peut-être l'objet d'un autre débat. Sinon, moi, je suis un fan de Dame Nature. J'ai appris plein de choses encore sur les abeilles. Je suis ravi d'avoir passé cette soirée. C'est gentil. Merci beaucoup, Christophe. Eh ben, on va laisser la conclusion à notre Christophe international et pratique. Une conclusion brève et courte. Je riquet pépé. Alors, je vais aller au plus court. Hein, une description. Donc, en allant le micro plus loin, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir... Non, plus loin. Oui, plus loin. Oui, voilà. Non, voilà, il va te le tenir. Voilà. Ah oui, bien, merci, cher ami à ma droite. Voilà. Je reconnais bien là le sage du micro. Quant à mes lunettes, eh bien, j'ai perdu mes fiches. À l'intérieur d'un message comme celui-là, ce que je retiendrai, c'est la maîtrise de l'eau, la gestion des subventions et la formation d'agriculteurs. Si vous pouviez trouver des agriculteurs qui font formateurs, ça m'intéresse. D'accord. Hein, ça serait bien, ça. Voilà. Et l'autosuffisance, c'est lié à la création d'emplois, soyons cohérents. Donc ça peut être financé en partie, oui, si on défend des projets. Mais là, on récapépète, Filmo. Mais Christophe... Que je voudrais pour terminer dire, voilà, que le grenier du monde, voilà, c'est la Russie. Oui. Alors faites bien gaffe à ce que vous pensez. Et le grenier de l'Europe, c'est l'Ukraine. Alors on est mal barré, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne soirée avec une soupe froide qui vous attend, parce qu'on a toujours la soupe, mais là c'est une soupe froide aux fans de Lavet, du jardin. Voilà, donc, et toutes les belles choses que vous avez apportées, parce que alors la table est remplie de victuailles de tout le monde. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Merci à toi. En vous remerciant, chères auditrices et auditeurs, de votre écoute et en vous souhaitant une bonne fin de soirée. Merci également à Auriel, pianiste belge, pour la musique du jingle. Nous vous disons à bientôt pour un nouveau Associativement Vôtre à la rentrée de septembre.